La première ministre m'appelle, les chefs de parti, le maire de Bordeaux, puis je suis pas capable de rejoindre le maire de Montréal, tu sais. C'est quoi cette affaire-là, là? Call me back. Can you call me back? Le power trip, ça commence de bonheur. N'est pas obèse et même pas violent, et pourtant, il est probablement moins populaire que Rob Ford. Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Vaudier! Hey! Hey, bye-bye! Bonsoir tout le monde! Hey! J'ai arrêté de fumer. Ben non, ben c'est ça, c'est extraordinaire ce que vous faites avec votre voix, Fred. Hey, bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous mettre du dépôt, hein, de la loi sur la charte du dépôt du projet. C'était le temps, mon Dieu que c'était le temps. Hein? Fred Savard, bonsoir. Shalom aleykoum. Excuse-moi. Shalom aleykoum. Vous avez pas eu le projet de loi? Non. Ah, c'est ça. Ah, non, non, non, mais c'est ça. Mais mon ami Fatima l'a lu. Ah, oui? Oui. Oui. Comment va Fatima? Ah, moyen. Ah ouais? Ouais? Ben c'est sûr que c'est pas super inclusif, hein? Non. Ils ont pas changé grand-chose, non. Hein? Mais le bout sur les pendaisons et les camps de concentration, ouais, sont allés fort. Sont allés fort. Honnêtement, le PQ là-dessus, là, je pense qu'ils ont poussé un petit peu trop, ouais, là-dessus. Franchement, bon, je l'ai pas lu non plus, remarque, on m'a dit ça. Mais de toute façon, il va y avoir une commission parlementaire, oui, et ça risque de disparaître au projet final. Il n'y a pas de doute. De toute façon, le PLQ est anti-pendaison, je pense. Ouais, et la CAQ est dans le milieu. Hein? Ah ouais, hein? Ouais, tu peux te pendre, mais pas avec la corde de l'État. Ben, ça, je pense que... Faut que tu te retrousses les manches. Ah ouais, c'est ça. Faut que tu travailles. Faut que tu travailles toi-même. Sinon, grosse semaine pour nos maires. Ben hein, oui. C'était les élections municipales. Des belles élections, hein, mais pas beaucoup de surprises. Denis Coderre à Montréal. Oui. Ouais, franchement, ça a été. Ben, il a passé ben, comme une balle. Ouais. Comme un boulet plus. Un boulet plus qu'une balle, ouais. Enfin. Ouais. Sinon, mais ça, c'est pas une surprise. L'élection de Denis, quand même, mais ce qui est une surprise, c'est la deuxième place de Mélanie Joly. Ben oui. Ça, franchement, c'est étonnant. Mais là, avec des résultats comme ça, là, je peux pas croire que le taux de participation est pas plus haut que 40%. Voyons donc. C'est qu'ils comptabilisent pas les poules, peut-être, qui sont sortis voter en grande. Ah ouais? Ouais, c'est pour ça, Fred. Mais prenez la ville de Québec, par exemple. Prenez la ville de Québec, le taux est à 55%. Ah, hein? Ça, ça a plus de bon sens. Oui. Et Régis a été élu à 75% et pour son beau projet de société. Ouais, c'est quoi? Fun. C'est quoi son projet de société? Ah, c'est construire une statue? Non, c'est pas une statue, non, c'est pas ça. C'est mettre la hache dans les fonds de pension des employés municipaux. Ah! Ça, c'est un. Ça, c'est rassemblant. Ça... Pensionnés! Nous sommes pensionnés! Ouais. C'est un projet de société. Je pense que c'est plus nous étions. On pense, ah ouais, ouais, ça va être plus ça. Mais il faut que ça arrête, Fred. Honnêtement, il faut que ça arrête. Hein, on n'est pas un Eldorado. Non, on vit pas un Eldorado. Ouais. Des retraites dorées à 30 000 piastres, là, juste parce que tu as travaillé 35 ans. Non, j'avoue. Un bout, ça là, va franchement. Faire. Faut mettre un haut là. Faut mettre un haut là, mais hein. Hey, parlant de retraite dorée, j'aimerais qu'on salue Michel Lavoie, hein, le maire sortant de Saint-Rémy-de-Napierreville. Bravo à Michel. Ben, il a pas gagné ses élections. Ben non. Par exemple. Ça, les gens sont ingrats. Ben là, il s'est fait arrêter deux fois par l'escouade marteau. Ouais, je pense que c'est ça qui a fait mal, Fred. Ah ouais, hein? Ah ouais. À mon avis, il y a eu 25% avec deux arrestations. C'est vrai. À mon avis, si c'était fait arrêter juste une fois, il passait. Ah non, mais je pense que oui. Puis ça, c'est. Non, l'acharnement de la police, des fois, moi, je trouve ça déplorable. C'est vrai que c'est déplorable. Puis regardez ce qui se passe à Toronto. Ben oui. Regardez ce qui se passe à Toronto. Le pauvre Rob Ford, là, il peut bien prendre du crack pour relaxer de temps en temps. Je comprends. C'est écœurant, ça. Non, mais l'avez-vous vu son dernier vidéo? Il est sur le gros nerf, là, tellement qu'il est. Ben oui, hein. Il a de l'air tendu. Ah, il est nerfé. Il y a quelque chose de. En tout cas, je sais pas de qui il parlait, mais ça devait pas être quelqu'un de très gentil. Hein? Non! Pour être fâché de même, à mon avis, c'est plus qu'un ticket de stationnement. Ah non, c'est à clair, mon avis, là. Puis je sais pas c'est quoi qu'ils prennent, ces gens-là, pour être high de même. Je pense hein? C'est du café. Le café? La caféine? Graine, il prend en graine. Même pas dans l'eau, de la graine. Ah ouais, c'est direct. Ah, barouette, hein? Ça, c'est ou du Red Bull qu'ils disent. Ah ouais. Mais en même temps, là. On peut être compétent et prendre de la drogue. Ça, je pense que ah c'est oui? pas bug. Avez-vous des exemples? Ben, Éric Lapointe, il parle. Écoute, des bons albums coup sur coup. Non, c'est vrai. C'est franchement. Mais non, là... mais avez-vous un exemple, genre, de politicien québécois? Bon, on n'ira pas, là, Fred. Un, il n'est plus ministre. Deux, il n'était même pas compétent. Fait faut pas. Ouais, des plans qu'on a mis en demeure, nous c'est autres ça, aussi. Chacun, hein? Chacun son turf. Non, on a dit qu'on n'en parlerait plus. Ouais, non, non. Sur une note plus joyeuse, arrêtez, Fred, regardez-moi pas. Non, sur une note plus joyeuse, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il paraît que Yasser Arafat aurait été empoisonné au polonium. Ah, ça, c'est... je le savais que la Pologne est en dessous de ça. Eh bonne, Fred. Mais en fait, elle n'est pas si bonne que ça. Mais. Pour ceux qui ne le savent pas, le polonium est un poison très, très toxique. Et on en aurait retrouvé, pas de blague, là, sur les traces, en fait, des traces sur le cadavre de Arafat. Et ça, c'est... Mais là, est-ce qu'on sait qui aurait pu y en vouloir à l'époque? Eh, hey, mon Dieu, je sais bien. Bon, vous me posez une colle, là, en vouloir à Arafat? Je sais pas, je m'en fouiller, là. Les bleus poudres, non? Non, pas les bleus poudres. Non. Ah, t'as peu, là, t'as peu. Si je stretch loin. Stretchons! Peut-être Israël. Ouais. Tu sais, c'est comme ça, me surprendrait. En même temps, c'est une démocratie, je peux pas croire. Non, ça me surprendrait. Ah, attendez, mon cellulaire sonne, hein? Ah, monsieur, Maître Goldberg, je vais le rappeler après. Ah, ben oui. Il appelle souvent, hein? Ouais. 2-3 semaines. Ouais, ils sont. On va dîner avec. Enfin, sinon, écoutez, heureusement, nos invités de ce soir ne se sont pas fait piquer par du polonium. Non. Ni d'ailleurs n'ont été empoisonnés. Hein, ni d'ailleurs prennent de crack. Non, mais. En tout cas, je pense pas. Hey, on reçoit tout d'abord M. Marc Laurendeau. Hein? Applaudissements. Ouais. On reçoit Marc Laurendeau. C'est quoi, la reine est morte? Non. Non, on vient tout juste de publier une nouvelle étude sur les cyniques. Ah, un oui? livre de 500 pages sur les cyniques. Bon, oui, tout à fait. Okay. On reçoit également le maire de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie, François Croteau. Oui. Ouais. Très content. Mais là, on le reçoit pas juste parce qu'il est maire d'arrondissement. On n'est pas à Canal Vox, quand même. Non, mais c'est parce qu'il paraît qu'il pourrait devenir le prochain chef de Projet Montréal. Ben oui, de toute façon, on a le temps d'y demander parce que la soirée est encore jeune. Oh, Olivier Niquette! Oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée où ils pourront voir l'ex-mairesse de l'Assomption expliquer que sa défaite aux élections est pire que la tragédie de Lac Mégantic. Ouais. Hey, imaginez ce qu'elle a dit de l'élection de Denis Coderre. Ouais, ça peut être bon, on passe au courrier des auditeurs. On a d'abord Yann Bergeron qui nous dit « Je trouve que Pierre Verville est bien bon. Ses imitations de Stephen Harper sont hilarantes. » Ben, mauvaise adresse, monsieur. Hein. Pour les plaintes, vous devez écrire au service à l'auditoire. D'accord. Enfin, on a Giuseppe qui nous demande « Un moment donné, là, ça serait le fun que vous commentiez une soirée d'opéra en collaboration avec Espace.mu pour rendre ça plus rock'n'roll. » Ben, quel hasard, mon Giuseppe. Demain soir, vous pourrez clavarder et nous suivre sur les réseaux sociaux pendant l'opéra Falstaff de Verdi. Ça va être viral, ça. Affaire-là, ça va être capoté. Quel addon! Mais quel addon, hein? Ben oui. Pas prévu pantoute. On reçoit cette question-là, puis bang, un projet qu'on travaille depuis 2 semaines. OK, on va les rejoindre, Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, est-ce que tu es avec nous? Ah, mon bonjour Philippe, comment allez-vous? Ça va très, très bien. Mais là, dites-moi, après avoir surfé pendant 11 semaines sur votre interminable série Viens voir les politiciens municipaux, là, vous allez faire quoi maintenant? Ben écoutez, c'est un grand jour, mon bon Jean-Philippe, parce qu'aujourd'hui, j'inaugure justement une toute nouvelle série qui devrait m'amener comme ça, j'imagine, jusqu'à la Saint-Jean-Baptiste, là, autour de ça. Une série que je vais à la rencontre des candidats défaits des élections municipales. Ah. Une série nommée « Viens voir les losers municipaux », mon bon Jean-Philippe. Oui. Mais là, c'est redondant un peu, votre affaire, hein? Non, absolument pas, Jean-Philippe. Et j'inaugure cette série aujourd'hui avec nul autre que M. Philippe Schnob, celui qui voulait devenir l'échevin du village gay à Montréal, mais qui a été défait par quelques votes, hein, par la colistière de Richard Bergeron, Janine Triber. Oui! Et Philippe m'a donné un rendez-vous au Jardin botanique de Montréal. Mm-hmm. Je dois vous dire que je suis quand même soulagé. Honnêtement, j'avais peur qu'il me donne rendez-vous chez les Go-Go Boys. Mais bon, Jean-Philippe. Ouais. Mais non, okay. Nous sommes dans Hochelaga, Maisonneuve. Mm-hmm. Alors, je vous reviens, Jean-Philippe, dans quelques minutes. Évidemment, si je ne me suis pas fait attaquer par un pauvre ou un analphabète. Bonne chance, Jean-Sébastien. À tout de suite. Et faites attention. Fred, notre premier invité. Pionnier de l'humour caustique au Québec, là, est également le monarque des revues de presse le matin sur nos ondes pendant de nombreuses années. Accueillons M. Marc Laurendeau! Ah! Monsieur Laurendeau, c'est extraordinaire, hein? Merci. Et ça, c'est pour vous, ça. Soyez-vous, je vous en prie. Oui, je dois dire que c'est la première fois que je viens, que je trouve exactement l'ambiance de mes débuts il y a 50 ans. C'est vrai, ça? Non, ce public, jeune, bien tassé, qui réagit vivement. Oui, vraiment. Ah, c'est, oui? Que, c'est comme les boîtes à chansons ou les cabarets dans lesquels les premiers temps... Ils payaient leur bière, eux autres. Oui, c'est vrai. Ça, c'est bien ça. Est-ce qu'ils prenaient de la bière autant qu'eux? Parce que eux, c'est l'enfer. Ah oui, c'est vrai, mais non, davantage. Il y avait des tables et tout ça. Oui, oui. Ben, on va peut-être essayer de se recycler et aller ailleurs. Hein? Oui, parce que vraiment, on a de plus en plus un gros public. Ben, je suis très heureux de vous recevoir, premièrement, parce que ben, on vient, c'est ça, c'est sorti des presses cette semaine, en fait, Les cyniques, le rire de la Révolution tranquille, une brique de 500 pages. Mais là, on se pose la question. Il y a eu, il y a quelques années, la réédition en format CD de vos disques. Il y a eu, il y a un an et demi, deux ans, la série documentaire de, sur les cyniques à la radio de Radio-Canada. Puis ce livre de 500 pages, ça fait pas mal, là, des cyniques en peu de temps? Non, je crois pas qu'on ait abusé. Pas encore? Non, pas encore. C'est une carrière de 50 ans, puis on est vraiment disparu. Quand on est parti, on est parti. Ah, vous on avez plus, on faisait plus d'humour. Et en 90, il y a eu une série télévisée qui s'est appelée L'Université de l'humour. Mm-hmm. Où c'était une anthologie de tout l'humour depuis Gratien Gélina jusqu'à RBO à l'époque. Et après ça, il y a eu les événements dont vous parlez, mais ça fait déjà un certain temps. Et le livre va peut-être être le dernier élément, là. C'est pas... Autrement dit, ce que sous-entend votre question, qui a peut-être oui, allez-y, une exploitation... Oui, allez-y, non, mais je sous-entends beaucoup de choses. Une exploitation commerciale, non, c'est vraiment pas ça. Mais là, on va faire rapidement une explication parce qu'il y a beaucoup d'Y dans la salle. Et vous savez, les Y, ils ne s'intéressent à très peu de choses, sinon eux-mêmes. Alors, j'aimerais que vous nous les expliquiez et que vous leur expliquiez qu'est-ce qu'étaient les cyniques. C'est niaiseux, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. Leurs parents peuvent savoir, toutefois, par la répétition venue des disques. Ce que c'était, c'est pendant la Révolution tranquille, là, d'où le titre que vous avez lu, l'influence du clergé, juste avant, était très, très forte au Québec. Les politiciens étaient assez obscurantistes. Là. C'était, on disait qu'on avait le meilleur système d'éducation au monde, dans la province de Québec. Et le clergé était omnipuissant, là, contrôlait la plupart des institutions. Le ministère de l'Éducation, c'était le département de l'instruction publique, dirigé par nos seigneurs, les évêques, etc. Alors, nous, on arrive là-dedans en 61. Et on se met à se moquer de tout ça. Y compris, vous verrez, c'est le premier numéro en ouverture du livre, y compris le chapelet en famille. Vous ne pouvez pas imaginer ça, là, qu'à 7 heures le soir, dans tous les foyers au Québec, il y avait le chapelet en famille avec le cardinal Léger, les mystères glorieux. La question qui se pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de faire de l'humour comme vous faisiez à l'époque? Puis la question est toute simple, parce qu'on lit les textes. Puis parfois, les textes sont... vous entendez les sons des bières qui s'ouvrent? Ouais, est-ce mais... Est-ce que ça vous rappelle mais, un peu? Mais je suis habitué, hein? Les premiers ciné-cabarets à l'Université de Montréal, puis je fais la comparaison parce que les gens avaient l'âge de ceux que je vois ici, là. Et ce pourquoi on travaillait les textes, c'est qu'il y en avait qui étaient derrière les colonnes, puis qui nous voyaient pas nécessairement. Ouais. Alors, on voulait que les textes puissent captiver le dernier en arrière de la salle, derrière une colonne, pour qu'ils puissent rire. Parce que si vous les avez pas au bout de 30 secondes, si vous les faites au bout de 30 secondes, c'est clair que vous allez les perdre. Alors, il fallait les avoir en partant, y compris ceux qui n'y voyaient mal. Alors, ça explique un peu l'attention qu'on portait aux textes. Mais je veux revenir à l'essentiel de votre question. Je vous en prie. Qui est quoi, d'ailleurs? Non, c'est un peu chien, ça, parce que je m'en rappelle plus. Ah oui, mais... Non, mais en fait, la question est toute simple. Je viens de m'en rappeler, j'ai un flash. Je l'avais écrite aussi, ça m'aide. Mais en fait, est-ce qu'on pourrait encore faire de l'humour comme ça aujourd'hui? Ouais. Puis, je lis des textes et puis vous êtes un peu violent, mais en même temps, je me dis... Il y a quelque chose qui nous ressemble. Je ne vais pas nous flatter dans le sens du poil. Là. Non, non. Mais c'est difficile de faire un humour aussi mordant, mais à grand public. Oui, ben ça n'a pas commencé à grand public. Ça a commencé avec les étudiants de l'université. Ça s'est agrandi quand on a fait des cabarets. Mm-hmm. Et puis, on allait contre une partie de l'opinion. Là. Des fois où on s'est fait huer ou jeter l'anathème, là, c'est des choses qui sont arrivées. Est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui? C'était des autorités que venaient les freins. Aujourd'hui, les freins viendraient de... des groupes de pression, puis de tout ce qu'on appelle la rectitude politique. Il y a des sujets qu'on abordait, vous allez les voir dans le livre, d'ailleurs, mm-hmm. qu'on ne pourrait pas aborder maintenant, parce que là, on dirait, vous pouvez pas vous moquer des gros, là, ça n'a pas de bon sens, ah ben, c'est ça, les personnes même, obèses. On se permet un peu de temps en temps. Oui, par accident, il n'y a pas de... Alors, on ne pourrait pas, en tout cas, s'attarder sur les particularités physiques du maire Rob Ford. Moi, sur autre chose. OK. Mais, non, mais c'est intéressant, parce qu'il va falloir corriger nos textes. Parce que là, on est, Et même chose pour tout ce qui concerne les musulmans, la religion. La religion a été dans les parodiée, ridiculisée, notamment par nous dans les années 60, mais elle revient par la porte d'en arrière. Ouais. Là, c'est une autre forme de religion. Ben, c'est intéressant ça, parce qu'il y a un texte qui n'est pas là-dedans, qui est un sketch sur Hitler. Ouais. Qui a été délibérément enlevé de, ou en fait, vous avez choisi de ne pas l'intégrer dans ça. Est-ce que c'est parce que c'est un petit sketch qui dure 25 secondes oui. qu'on a entendu, qu'on a réécouté d'ailleurs cette semaine? Ah, oui. Qui se retrouve pas dans le livre, mais on se demande est-ce que vous l'avez délibérément enlevé du recueil? Oui, délibérément enlevé parce que est absent dans cette version toute la bouffonnerie, puis la loufoquerie, puis le visuel entourant ça. Et c'est Guy Lepage dans sa préface qui le citait. Ouais. Si les gens, en ouvrant le livre, aperçoivent ça, tout le débat peut aller là-dessus. On se disait, nous allons, les deux cyniques qui sont encore en vie, comparaître devant le Bonheur et Britt pour nous expliquer. Ça, c'est sûr. Alors, c'est parce que c'est le... Il existait à l'époque un certain climat de liberté, alors que maintenant... Tout le monde se regarde un peu comme des chiens de faïence. Hein? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas insulter notre groupe? Mise en demeure est assez facile à envoyer. Et ceci a changé. Puis la charte dont vous parliez à l'instant exacerbe ces espèces de réflexes défensifs que l'on constate maintenant. Alors, c'est délibérément qu'on a pas mis ce petit numéro de 25 secondes parce qu'on pouvait pas le mettre en contexte ni l'illustrer visuellement. Ça, c'est très intéressant. Puis dans ce livre-là, à la fin, en fait, parce que oui, la plupart de ce livre-là, la grosse partie, ce sont des sketchs. C'est un recueil de sketchs, mais à la fin des études, c'est vraiment intéressant. Il y en a une, justement, de Lucie Joubert sur les cyniques, le sexe et les femmes. Oui, je vous écoute. Je comprends qu'on est dans la même... Parfait. Alors, je cite Lucie là-dedans, et puis ça m'a vraiment intéressé. Ils étaient des hommes de leur temps qui, en parlant de vous évidemment, qui sombrent dans le grossier dès qu'il s'agit des femmes, obsédés par exemple par les grosses, qui réduisent souvent leur personnage féminin à leur fonction corporelle. Danseuse, cochonne, grosse, etc. Ben, ça me surprit un peu de lire ça, mais effectivement, on se rappelait de quelques sketchs, dont un des excellents sketchs que vous avez fait avec le briquet. Fred, rappelle. C'était les balayeurs, si je me rappelle bien, le sketch des balayeurs, et c'est le briquet. À la fin du sketch, vous dites, c'est vous qui faites le personnage, vous dites à Monsieur Saint-Germain, as-tu vu mon briquet Lise Payette? Et je pense, là, on n'a pas le visuel, mais c'est un vinyle, mais c'est un très gros briquet. Oui, énorme. Énorme, ça! Vous dites, enfin, un briquet d'à peu près 2 pieds. C'est mon briquet Lise Payette, une grosse torche. Ça bûche, c'est quand très, très drôle. Ça bûche. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, c'est un peu... on l'a trouvé très drôle. Il n'y a pas de... Mais j'ai encore le vinyle, je l'ai écouté, ce sketch-là, la semaine passée. J'ai ri. Ça peut étonner, mais... elle occupait une place importante dans le domaine de l'information. Ben oui. Effectivement, c'est assez gros. Mais il reste qu'on ne pourrait pas faire cette blague maintenant. Non. Et d'autant plus que nos rapports avec Lise Payette, moi, je l'ai revu comme journaliste après, puis je ne pouvais plus vraiment évoquer cette blague-là. Non. Et on s'est abstenu de le faire. J'ai eu l'occasion de l'interviewer souvent quand elle est ministre pour qui établissait l'assurance automobile. Également, juste à la veille du référendum, après l'affaire des Yvettes. Oui. Alors, j'admets que c'est un gag très, très... un gag énorme, là. Et qu'on ne pourrait plus faire maintenant. Et écoutez, on ne pouvait pas non plus être les porteurs du féminisme non plus. Il y avait Clémence, qui elle pouvait, mais on était 4 gars. Je pense que si on était actif maintenant, on se serait adapté à ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne ferait plus. Tout ça évoque le grand climat de liberté qui existait à l'époque. Et on ne pourrait plus, là, parce qu'on dirait que c'est politiquement incorrect, cette blague-là. Tout à fait. Mais il y en a eu plein comme ça. Puis je continuerai à parler parce qu'une des bonnes blagues que j'ai entendues dans ma vie, c'était sur tout de suite après la crise d'octobre, Pierre Laporte venait d'être trouvé dans un coffre de char. Et une de vos blagues, c'était une publicité. Et vous disiez, avez-vous vu ma nouvelle Ford? Ah oui, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? La porte est dans le coffre. Et on doit avouer qu'elle est très bonne. Mais ça fait partie de l'humour grinçant. Ah oui, tout à fait. Mais je veux dire, on est encore, nous autres, en train d'évaluer en réunion si on fait une blague sur Mégantic. On l'a fait. Mais il en faut de ça. Tout à fait. Dans un spectacle, il faut de l'humour gratuit, de l'humour absurde. Ouais. Mais il faut aussi de l'humour grinçant, avec le type de rire qu'on vient d'entendre. Exactement. Il faut une variété. Il faut dire que c'était souvent, la plupart du temps, c'était sur scène aussi, parce que même encore aujourd'hui, on peut dire bien plus de choses sur scène qu'à la télé ou à la radio. À la télé, je pense que c'est le pire. Puis il y avait de ça aussi. Je vous dis, vous avez fait de la télé à la fin de votre carrière, les cyniques. Il y a eu Bye Bye en 70, je pense. Le premier Bye Bye, c'est vous qui l'avez fait? Ça, c'est. Non, on n'a pas le premier. C'était quand en même Dominique Michel. Nous, on a fait 71. Okay. Et donc, Dominique Michel en avait fait avant nous. On a fait Bye Bye 71, juste l'année avant notre départ, d'ailleurs. Et là, ça a été une fort belle expérience parce qu'on nous a laissé un peu plus de marge de manœuvre. Mais on a fait une série qui s'est appelée Émission Impossible, ici à Radio-Canada. Et ça a été un peu plus difficile parce qu'on était soumis à la censure, au regard des patrons. Alors, il nous arrivait d'être obligé de retirer des textes. C'était pas agréable. Sur scène, on avait un immense climat de liberté. Et nos disques, c'était toujours écrit à diffusion interdite. Alors, de temps en temps, un animateur prenait la chance de faire jouer un bout. Il y avait une transgression là-dedans. Mais notre habitat naturel, à ce moment-là, ne pouvait pas être la télé. C'était assez restreint. Alors, on est vite revenu à la scène et on a fini sur scène, d'ailleurs. Je continuerai encore. Ça fait 20 minutes que je dis que je vais arrêter. Mais j'ai une dernière question à poser. Et en fait, c'est tout simple. Comment on fait pour passer d'un humoriste culte à journaliste et donc arrêter à quelque part de faire de l'humour? On s'intéresse encore à l'humour et ça nous passionne encore. Ouais. J'écoute votre émission notamment. La même passion de l'actualité, mais le désir d'en traiter autrement. On avait fait ça 11 ans. Je le dis souvent, c'est un immense plaisir de voir des gens. Puis on avait réussi à créer une mécanique et des personnages aussi, puis des numéros. Dans le livre, ils sont analysés comme étant extrêmement variés. Où j'ai vu souvent des gens rire aux larmes là, dans une salle. Et ça, c'est un immense plaisir d'entrer dans le rythme de ça. Là. Ouais. C'est inoubliable. Mais à un moment donné, on se disait, on a le goût de faire autre chose. On s'est préparé à des professions, puis on n'utilisera pas devenir ça. Devenir adulte. c'est amusant, ça. mais c'était vraiment redevenir des individus. Ouais. C'est ça qui faisait partie du portrait. Et c'est, donc, pour le faire, moi, je suis le seul qui suis devenu journaliste. Ça a été de passer par la presse écrite pour qu'on oublie ma voix, mon visage, etc. Une période de transition. Et c'est plus tranquille, c'est plus sérieux, mais il fallait faire attention parce que j'étais pas dans votre situation. Je voulais pas que quand j'interviewe des gens à la radio, à la télévision, plus tard, après la presse écrite, les gens me répondent « Êtes-vous sérieux, là, vous? » C'est pas évident. Vous moquez. Non, je voulais pas ça. Alors, je voulais que les gens sachent bien, envoyer les signaux comme quoi c'était de l'information. C'était de l'information que je voulais faire. Mais c'est la passion de l'actualité et de l'information. C'est ça qui nous tenait comme cynique et c'est ça que pendant 40 ans, ça fait maintenant 40 ans que je suis journaliste, c'est ça qui m'a mené pendant toute... maintenant, ça fait 50 ans. Ben, merci beaucoup, Marc-Lorando. Merci énormément. Je suis en train de me dire qu'on va demander à François Croteau de revenir une autre semaine. Ouais. Si tu veux, je te dis. vous rappelez, il y a quelques semaines, on a reçu un message de Ken Pereira sur notre boîte vocale. Visiblement, notre numéro de téléphone circule à la FTQ Construction parce qu'on a reçu un autre message. On écoute. Ouais, salut Jean-Philippe, c'est Jocelyn. Écoute, c'est une idée de Tony, mais je me disais que ce serait le fun que tu me prennes dans ta gang de radio, mon chum. Tu sais que je crée bien à ça, moi, la réhabilitation, fait que j'aimerais ça me réhabiliter dans ton émission. Ça me permettrait de laver ma réputation d'être tête de grutier, puis je me dis que, ben, comme c'est à Radio-Canada, il n'y a pas beaucoup d'écoute, tu sais que je suis comme tanné de l'écoute, ça me donnerait un petit break. Puis en plus, j'aime bien ta gang, Jean-Sébastien Girard est pas mal tannant. Olivier Niquette, ses extraits, c'est assez bon, même que je les ai tout entendus. C'est ça que j'écoute dans la radio, dans ma grue. Je prends le savoir, j'avoue que je comprends pas tous les mots. Tu sais, nous autres, sur les chantiers, on a toutes des secondaires 5, on apprend à parler sur le tas, puis des fois, ben, c'est pas des gros tas. Puis moi, en plus, des fois, j'ai des manques au cerveau, tu sais. Fait que c'est ça, j'aimerais bien qu'on se rencontre. J'ai des adresses en masse à te suggérer, des petits cafés ben le fun, puis sursaute pas si ça coûte 400$ pour deux paninis, deux cafés, on va manger avec le bill. Fait que pense-y, parce que si jamais tu dirais non, puis tu veux me mettre des pantons dans les roues, ben je vais te déballer tout à ton sujet, mon tabarnak, tu vas voir que ça va faire l'enquête, la TVA, on va le dire à Denis Lévesque, qu'est-ce que tu fais avec ton chien Gaston, tu vas voir que ça va brasser. Ben, fait que c'est ça, pense-y, puis merci de t'occuper de moi, pas juste de tes amis. Ah! Toujours agréable. Ah, toujours agréable. Qu'est-ce que vous voulez? Ben oui, c'est un bon monsieur. On a trouvé Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien! Ah, Jean-Philippe de retour, toujours à venir voir les losers municipaux avec Philippe Schnob, candidat des faits dans Saint-Jacques à Montréal. Philippe, mon bon filou. Comment ça va? Je veux dire, comment on survit à une telle humiliation? Est-ce que vous vous sentez démoli, anéanti, détruit? Ou est-ce que vous vous dites, bah, c'est ça la vie? C'est ça la vie, ça s'était terminé aussi un peu sur les chapeaux de roue, alors j'avais cette expérience-là. Mais vous savez, c'est pas comme une émission de télé ou de radio. Une émission de télé ou de radio, on peut se rattraper la semaine d'après, le lendemain, on peut améliorer les codes d'écoute en politique. Conclusion, c'est la conclusion. Cela dit, on va peut-être aller en recomptage. Alors là, vous me réinviterez si je gagne à nouveau, puisque là, je ne suis pas dans les losers. Merci, Philippe. Vous êtes un exemple de résilience pour tous. Alors, on va aller voir Philippe Ferme. Bonjour, Philippe. Et on vous retrouve dans quelques minutes. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci. Vous écoutez La soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Gauthier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, la seule émission qui s'ennuie déjà de Laurent Blanchard. Hey, les gens applaudissent pour Jean-Sébastien. Sont rendus polis. Oui, c'est ça. Bon, ben, applaudissez pour Fred Savard, c'est à son tour. Non, c'est correct. Attendez. Ah, okay. OK. Alors, oui, permettez-moi de commencer avec un mea culpa sur ma chronique la semaine dernière. J'ai fait une grossière erreur et on me l'a fait remarquer à plusieurs reprises. Que voulez-vous, quand on a des codes d'écoute gargantuesques comme les nôtres, les gaffes ne passent pas inaperçues. Un fidèle auditeur que je ne nommerai pas, ça lui ferait trop plaisir, nous a d'ailleurs envoyé une lettre recommandée et je vous en lis un extrait. C'est pas la première fois que Savard confond sérumème et sébum, mais encore vendredi dernier, en présentant Niquette, il a dit c'est pas du sébum qu'il a dans les oreilles, c'est de la couenne. Un conseil, Savard, étale moins ton pseudo-vocabulaire de collège classique et utilise des mots que tout le monde comprend et qui ont l'avantage d'être précis, comme par exemple cire d'oreille. Et si t'as besoin de synonymes, ben c'est cire humaine, pas sébum, tata. Il a raison, cire humaine et sébum ne sont pas du tout la même chose, le sébum étant bien sûr cette petite couche de gras qu'on pourrait appeler aussi couche lipidique et qui sert à protéger la peau en l'hydratant, mais qui parfois l'abîme un peu trop et offre un fini lustré chez certaines personnes, comme par exemple Rob Ford dans sa dernière vidéo. Ouais. Cela dit, je trouve quand même que le petit auditeur, il n'est pas allé avec le dos de la main morte en me qualifiant de tata. Ben, en même temps. Nous en sommes à la 64e heure de La soirée est encore jeune en deux saisons, ce qui veut dire que j'ai écrit à peu près 130 000 mots et je me suis trompé sur un mot seulement, ce qui n'est pas si pire considérant que je ne parle pas latin puisque je n'ai jamais fait mon cours classique. Mais cet auditeur mal léché ne gâchera pas mon plaisir de recevoir ce soir Marc Laurendeau, un homme qui, lui, a fait son cours classique et surtout un homme à qui je dois la fulgurante carrière que je mène aujourd'hui. Car j'ai été nourri au ciné quand j'étais jeune. J'ai eu cette chance. Alors que vous, Vautier, vous avez sûrement été abreuvé de Patrick Huard, ce qui explique votre humour parfois lourdeau quand je ne suis pas là derrière à vous fournir un excellent texte. Avec des mots qu'on comprend comme crotte de nez et pipi, on aura au moins un auditeur de content cette semaine. Mais oui, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont un jour, sûrement par inadvertance, acheté un disque des Cyniques. Je dis par inadvertance puisque c'est le seul qu'ils ont acheté alors que nous avions un album de Tigus et Timus et deux albums de Lucien Boyer. Pour ceux qui ne connaissent pas Lucien Boyer, c'est un fantaisiste qui mélangeait habilement chansons grivoises et blagues salaces et qui aujourd'hui ferait passer Peter McLeod pour un récipiendaire du prix Goncourt. Oui, nous avions un seul vinyle des Cyniques, mais quel vinyle! Celui avec la fameuse pochette où on voit les Cyniques en costard en train de pique-niquer au cimetière Côte-des-Neiges. C'est d'ailleurs cette photo qui nous avait fait adopter le complet cravate lorsque je participais à la création des apartistes. Oh, utilisation du passé simple, on a un auditeur sûrement confus à la maison. Mais je vous entends déjà me dire, ben là Fred, on le sait que t'es brillant, mais viens pas dire que tu comprenais les blagues des Cyniques à 7 ans quand tu les écoutais sur ton pick-up. Bon, j'avoue que des blagues sur la commission Laurendeau-Danton sur le biculturalisme m'ont été intelligibles bien plus tard quand j'entrepris des études médiocres en sciences politiques, mais une chose que j'ai compris dès la première écoute des Cyniques, c'était le rire dans l'audience. Il était très différent du rire des disques de Lucien Boyer. Et ça, je crois que c'est ça qui a semé la graine en moi. Ce rire que provoquaient les Cyniques, on entendait la transgression, l'interdit, la dérision et le déboulonnage des puissants. Et c'est ça qui m'est resté et qui m'a plus tard donné le goût de faire ce métier. Alors pour tout cela, M. Laurendeau, je dois vous dire merci. Vous avez été marquant pour moi et sans vouloir tomber dans la flagornerie, petite parenthèse ici pour notre auditeur, flagornerie, ça veut dire têtage. Donc, sans flagornerie, vous étiez mon préféré. Oui, c'est facile à dire, il n'en reste que deux de vivants et l'autre, on le voit jamais. Mais j'utilise encore régulièrement des expressions que vous avez créées vous-même, comme le verbe « sans contre Saint-Ciboiriser » de « tirer du cours sur les sacs » que j'ai utilisé dans plusieurs chroniques. Et que dire de « prendre le gros gigant, il est parfait » dans le sketch sur la création de Télémétropole. Ou encore, Maranda, arrives-tu? Fais attention à tes bretelles la prochaine fois. Oui, vraiment, vous avez été mon inspiration et j'espère qu'un jour, et j'en suis persuadé, moi aussi, je passerai le flambeau à des plus jeunes qui se sentiront aussi honorés que moi aujourd'hui. Eh boy. C'était une bonne, c'est, on va c'est un formidable texte. Jean-Sébastien, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis toujours là, de retour avec l'échevin défait, Philippe Schnob, de l'équipe du Gros Coder. Si vous le voulez bien, on va faire, si vous le voulez bien, Philippe, un petit retour sur votre campagne, voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins marché. Au tout début de votre campagne, Philippot, vous avez déclaré être comment je dirais ça, vous avez dit que vous étiez un homosexuel. Bon, personnellement, j'ai absolument rien contre ça. Tant que le travail est bien fait, c'est correct. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez fait cette sortie-là en pensant que ça allait faire sortir le vote dans Saint-Jacques, le quartier aux mille saunas? Ce que je peux vous dire, en regardant le décompte, ça a pas marché. C'était ça le but. C'était pas ça le but, par ailleurs. Pas du tout, pas du tout. En même temps, Saint-Jacques, est-ce que vous regrettez de vous être présenté dans cette circonscription-là? Je veux dire, vous habitez sur le plateau. Vous auriez peut-être pu battre Fernandez. Je veux dire, vous auriez sûrement pas fait pire que Daniel Laurent. Mais là, sérieusement, j'avais vraiment choisi Saint-Jacques dès le départ parce que c'est un district très intéressant. Pas juste à cause du village, à cause du Vieux-Montréal, à cause du centre-ville, à cause du quartier du spectacle. C'est un endroit où il y a beaucoup de développement. Et l'avenir, mon bon Philippon, à quoi ça ressemble si le recomptage vous met encore KO? Est-ce que vous allez revenir au téléjournal, lire des statuts Facebook? Ou si le code d'éthique journalistique de Radio-Canada, on risque plus de vous retrouver à la cafétéria en train de couper le roast beef le mercredi? Ça, c'est possible. D'abord, là, je vais vous dire qu'on attend le recomptage. J'ai regardé sur Wikipédia les phases du deuil. Ouais. Là, il est dans le désordre. Là, avec le recomptage, vous avez vu, je suis dans le déni. Ouais. Pas mal. Mais on va aller jusqu'au bout de ça et après ça, on prendra une décision. Ça devrait se faire dans les prochains jours. Hey, merci beaucoup. Merci, Philippe. Merci. Hey, ça a été une grosse semaine dans le monde municipal et pas seulement au Québec, à Toronto aussi. Mais heureusement, c'est bon pour les affaires si on se fie à notre ami Serge Quechose. Hey, Wake and Bake, salut tout le monde, c'est Serge Quechose en direct de la grande ouverture du tout nouveau Drogue Dépôt. Comme le dit notre porte-parole Rob Ford, hey, assume-toi le gros, quand t'es chaud, t'as le droit de te geler la face avec des produits de qualité. Justement, quand on parle de bon stock, on parle de pif à crack à l'effigie du maire de Toronto. Achetez-en deux et obtenez son visage au complet, qui malheureusement ne fitait pas sur une seule pipe. Regardez ce délicat ensemble de marijuana Justin Trudeau. Ça comprend le gramme de pot avec des buds en forme de feuille d'érable, c'est assez spécial. Ça comprend aussi le papier à rouler zigzag, un beau clin d'œil à sa pensée politique, et ça vient également avec un briquet du PLC qui allume de plus en plus de Canadiens, selon les sondages. Pour les nostalgiques, on a également un ensemble souvenir pour Cocaïnaman de marque Boisclair. Ça comprend un coquet petit sac Ziploc, une petite paille et un gros, gros, gros miroir. Si vous voulez partir sur une chire comme le maire de Saguenay, Jean Tremblay, on a des magnums d'eau bénite en liquidation. Ça, c'est liquide pas à peu près. Tellement cheap que ce serait un péché de s'en passer. On offre même la livraison par notre équipe de pas fiables avec des pagettes et des petites sacoches en BC. Venez nous voir, on est ouvert jusqu'à très tard. Tout ce week-end, la grande ouverture de Drogue Dépôt, une seule visite vous suffit pour devenir dépendant. Ben, c'est pas comme les blagues de la grosse paillette. Non, mais, c'est pas pareil. Hey, notre deuxième invité, Fred. Maire de l'arrondissement Rosemont, petite patrie pour Projet Montréal. Il œuvre dans l'ombre de Luc Ferrandez, donc personne n'a peur de lui. Accueillons M. François Croteau! François! Monsieur le maire! Bonsoir. Là, je me sens bien mal. Je reçois un maire, puis j'ai pas de crack, pas de co-gardien. Mais j'ai de la bière. OK. OK, parfait. Premièrement, bravo pour les élections. Merci. C'est un deuxième mandat, c'est à vous, ça. Ah, c'est une petite rousse. On peut pas faire ça au conseil d'arrondissement, boire une bière pendant que les citoyens... Oh, mon Dieu, puis on l'a brassé avant pour vous. Ah oui, c'était voulu. Hein? Ben oui, c'est pour vous mettre un peu de challenge. Ah, oui. Monsieur Laurendeau, une bière, non? Parce que j'ai oublié de vous en offrir une. Faire attention, il explose. Aussi, mais ça va. Je vais m'en prendre une, moi, juste pour relaxer un peu. Premièrement, juste vous dire... Là, évidemment, vous êtes conseiller d'arrondissement. Non, maire d'arrondissement. Oui. Alors, évidemment, on est pan-canadien. Alors, je me suis dit qu'on n'allait quand même pas juste parler de Rosemont, la petite patrie. Et j'aimerais ça qu'on parle de Kamloops. Bon, j'ai pas de données sur Kamloops en soi, mais je me disais que c'était intéressant qu'on parle un peu de toutes les petites villes là, comme ça. Aimeriez-vous ça être maire de Kamloops? Je vais l'envisager après le deuxième mandat comme maire d'arrondissement de Rosemont-Petite-Patrie. C'est juste qu'il va falloir que je déménage et là, ça, c'est pas évident. Non, non, parfait. Bon, ça, il fait on l'en a parlé. Ouais, OK, bon. Excellent. Bon, revenons un peu de. C'est ça. Je pense que c'est ça. On parlera de la Gaspésie la semaine prochaine. On est très heureux de recevoir le prochain chef de Projet Montréal. Puis on le dit comme ça. On le dit en souriant comme ça. Mais la grosse nouvelle cette semaine, c'est qu'après l'élection de Denis Coderre, votre chef, Richard Bergeron, a fait son point de presse et il a dit qu'elle allait quitter la politique d'ici 12 à 24 mois. Dans ce temps-là, tu te dis, pourquoi faire une conférence de presse quand tu dis que tu pars dans deux ans? Ouais. Mais bon, en même temps, il va partir, on le sait. Et dans les candidats potentiels à sa succession, le nom de François W. Crotodac, W, je trouve que c'est un beau, c'est une belle lettre. Donc, on considère remplacer Richard Bergeron. Les commentateurs ont décidé que j'étais un candidat. Vous n'avez pas le choix d'y aller, hein, c'est ça? Alors, il y a comme eu une espèce d'image dans la presse. Ouais. Et là, j'avais l'impression que c'était un concours à la Star Academy, ouais, ben oui, ou quel est le meilleur, etc. D'ailleurs, il y avait quelques erreurs dans leur description, mais ça, c'est pas grave. C'est des journalistes, c'est pas très grave. Vous êtes dans un quartier populaire, et les préoccupations, ça doit être de ce quartier, doivent être les vôtres. Mais est-ce que vous partagez avec Bergeron cette idée des grands projets, presque un retour à l'ère drapeau, presque, hein? C'est-à-dire, le par exemple, un projet de tramway libérer les berges du fleuve. Autrement dit, ne pas strictement s'en tenir à la gestion là, quotidienne, mais relancer Montréal dans de nouveaux grands projets. Est-ce que vous partagez cette vision des choses? Ça fait longtemps qu'on n'a pas rêvé puis on n'a pas eu d'ambition à Montréal. La dernière fois, c'est les Jeux olympiques, puis on a comme un syndrome du stade. Et moi, j'en ai des beaux projets. J'en ai vraiment des beaux, beaux projets. Oui, mais le compostage, c'est le fun. Mais à l'extérieur. J'en ai des meilleurs. Ben, là, on devait construire le CHUM. Dans ses garages. Oui. Moi, je verrais très bien un stade des expos, là, tu sais, par exemple, le retour. Les voies ferrées, pourquoi pas les enfouir dans des tunnels puis faire des pistes cyclables partout à Montréal. On est capable d'en faire des gros projets là, d'envergure. Bien, justement, parlant de projets d'envergure, parce que à Rosemont-Petite-Patrie, vous avez réussi à très beau quartier en passant. Oui, je sais, vous restez là, frère, c'est correct. Aussi, hein, c'est une belle place. Magnifique. C'est des petites affaires qui se passent en petits groupes. On parle au Canada, là. Hein? Vous avez réussi à faire une petite révolution quand même dans votre quartier sans vous attirer les foudres que Ferrandez s'est attiré au fil des quatre premières années de son mandat. Parce qu'on va se le dire, Ferrandez, les gens au Québec le connaissent. Ouais. Hein, partout au Québec. À Kamloops aussi, je pense. Honnêtement, il y a des pancartes de lui à Kamloops. Il y aurait plus de chance que moi, finalement. Ouais. Ben, oui, mais il demeure que le maire Ferrandez a été un peu démonisé, pas vous. Vous êtes aimé de vos concitoyens. Il me semble que vous n'attirez pas les foudres des gens qui n'aiment pas ce que vous faites. Et pourtant, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé sur le plateau, là. Ben, c'est une question de style, je suppose. Mais le plateau, honnêtement, c'était comme ça avant, à l'époque d'Hélène Fotopoulos. Il y a toujours des gens... En fait, on sait, tous les journalistes, commentateurs, artistes, chanteurs habitent là. Et moi, j'ai déménagé là. Quand j'étais engagé, il a fallu que je déménage. Là. Alors, vous êtes incapable de vous empêcher d'exprimer votre opinion. Et vous avez tous et toutes une opinion. Alors, vous l'exprimez et ça crée des débats. Mais bon, il a prouvé que finalement, avec 50% du vote, c'était pas si mal que ça. Oui, tout à fait. C'est intéressant, vous avez commencé votre carrière politique avec l'équipe de Louise Arel. Oui. Dans l'équipe de Projet Montréal, pendant les élections, mon Dieu, il y a Marie Plourde qui a déclaré sur sa page Facebook que, en fait, qui a un peu fait une cheap shot sur Louise Arel en disant, bon, les politiciens de carrière, elle a 34 ans de politique, non, c'est le temps de changer, ceux qui s'accrochent au pouvoir, c'est pas la bonne façon de servir ses citoyens. Bon, Mme Arel lui a répondu de façon assez brillante d'ailleurs. Vous qui avez été dans les deux camps, vous pensez quoi de cette histoire-là? Vous pensez quoi de Mme Arel, d'ailleurs? Ben, j'ai beaucoup de respect pour Mme Arel. J'ai juste l'impression qu'elle s'est présentée une élection de trop. Il y a des personnes comme au hockey ou dans d'autres sports qui ne savent pas se retirer au bon moment. Je pense que celle-là, c'était de trop. Cela dit, ça fait référence à une déclaration de Mme Arel au Conseil de ville qui disait que la politique est un jeu et le but du jeu est de ne pas se faire sortir du jeu. Et ça l'a dérapé un peu. Et c'est ce genre de politique-là, moi, que je combats. Puis c'est les raisons pour lesquelles j'avais quitté le parti. Ce genre de clientélisme uniquement basé sur les attentes des groupes de pression. Hein, on sait, la politique basée sur du clientélisme. Et je n'étais pas capable de faire de la politique comme ça. Donc, et c'est pourquoi aussi que j'ai décidé de faire deux mandats maximum. À un moment donné, tu as des convictions, tu as des objectifs. Si tu veux être honnête avec la population, tu le fais, sinon tu l'avoues d'emblée comme Denis Coderre qui a dit qu'il est un politicien de carrière et il le fait tel quel. Mais vous êtes urbaniste et administrateur. Vous avez fait des études en urbanisme? En fait, j'ai fait un MBA et ou MBA, désolé. C'est Radio-Canada français. On va biper ça. Ouais. Et... on regardait juste le cégep. C'est très bon. D'ailleurs, j'ai pas fait de cégep. Je suis rentré comme étudiant adulte à l'université. Donc, la preuve que le cégep sert à rien. C'est vrai. Caquisse en plus. Ou peut-être. Et c'est peut-être ce qui me manque, par contre, le cégep. C'est la preuve que. Ben oui. Mais non, j'ai fait un doctorat en études urbaines sur la gestion de l'aménagement urbain. J'enseignais aussi au MBA avant d'être élu maire. Alors, si vous étiez élu maire de la ville de Montréal, une hypothèse, là, comment ça s'appliquerait? Comment mettriez-vous en application toutes les connaissances que vous avez acquises? Comment le feriez-vous? 40 ans de journaliste, mesdames et messieurs. Oui. Ben, honnêtement, je ne répondrai pas à ça parce que c'est pas dans mes objectifs pour le moment. Ah! C'est-tu plate, hein? Vous fumez de la drogue, François Corteau? Mais non! Il l'a dit, il n'est pas allé au cégep. Attendez, ouais, c'est vrai! Non, et voilà. Non, mais il y a quelque chose qui me met sur la piste. Il y a un tatou. J'en ai deux. Deux! Avez-vous déjà fumé de la drogue? Ça sort tout de suite, les gars, on va le sortir. J'ai fait l'université quand même, et mouvement étudiant. Donc. Bon, ben, je pense qu'on s'entend là-dessus. Ben, peace, François. Et puis, vous restez avec nous? Oui. OK, génial, merci énormément. Fred, notre prochain chroniqueur. Il ne fait pas d'écoute électronique et c'est bien dommage. Avec la FTQ, on rirait autant qu'avec la radio jambon. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Eh bien, Olivier, faites-nous rire, là. Oui, bien, vendredi dernier, histoire de savoir avant tout le monde qui allait gagner les élections à Montréal, ouais. Benoît Dutrisac de Cogeco avait retenu les services d'une voyante. Un succès sur toute la ligne. Qui va gagner dimanche? Oh, je peux pas. Envoyez donc. Je peux vraiment pas. Vous le voyez pas? Non, je vous le sentez pas. Ce n'est pas les heures de naissance. Alors, c'est embêtant. Voyons donc, c'est embêtant. Tout le monde le sait depuis un an que Coderre va passer. Madame, quand on vous offre sur un plateau d'argent l'occasion de faire croire que l'astrologie, c'est pas une escroquerie, faut sauter là-dessus. Du côté de Radio X, on n'avait pas lu dans les étoiles que Luc Ferrandez serait réélu sur le plateau, ce qui a fait dire à Éric Duhem que les platoniciens du Nowhere sont des parasites. Je pense qu'il y a trop d'irresponsables qui habitent dans ce quartier-là. Je pense qu'il y a trop de locataires, il y a trop de cyclistes. C'est facile parasiter sur le dos des autres. Que Ferrandez, il y a une face à fesser dedans. J'entendais Ferrandez dimanche soir avec toute sa prétention. C'était épouvantable. Là. Il était le chien, là. T'avais le goût de le frapper. Qu'ils sont immatures, comme le propose Jérôme Landry. Ils sont comme des adolescents dans le sous-sol de leurs parents. Ils vivent comme des adolescents, ce monde-là. Que les Montréalais sont incultes, comme le dit Dominique Moret. Les Montréalais sont des insignifiants politiques. C'est des analphabètes politiques. Et qu'ils viennent d'une autre planète. L'épicentre du pathétique au Québec ce matin... C'est Montréal. C'est vraiment les Montréalais sont des extraterrestres politiques. Je dois dire que je suis un peu d'accord avec eux, mais pas pour les mêmes raisons. Reste qu'à Québec. À Québec, les citoyens ont pris leurs responsabilités et ont voté tous du même bord, soit pour le gars qui a offert un colisée à Québécois, une compagnie qui engage par ailleurs la moitié des animateurs de Radio X, qui sont aussi, en passant, les promoteurs de la Nordic Nation. Mais tout ça n'a pas d'influence sur l'opinion de Denis Gravel de Radio X, qui a pris parti pour le maire La Bombe dans sa guerre de chiffres contre les syndicats. Et son opinion n'est basée sur rien d'autre que rien d'autre. Moi, les chiffres, j'y comprends pas. Vas-tu faire semblant que j'y comprends en onde pour faire mon intelligent? No fucking way. Tu peux faire dire ce que tu veux à des chiffres, mais sur le fond, les gens sont tannés et ils pensent que les syndiqués de la ville y ont abusé dans les dernières années au niveau des conventions, au niveau des conditions. Tu peux faire dire n'importe quoi aux chiffres, dit-il en faisant dire n'importe quoi aux gens. Donc, pas de complot à Québec, contrairement à Toronto, où le maire Rob Ford est victime de ses convictions politiques. Mario Dumont. Je pense que s'il était à gauche, le jugement médiatique aujourd'hui serait beaucoup moins dur. C'est vrai qu'on capote un peu trop, là. Il est juste drogué, alcoolo, violent, puis il aime pogner les foufounes des madames sans leur consentement. C'est clairement le biais gauchiste des médias qui fait mal paraître. Et Éric Duhem et Denis Gravel ont un bon exemple pour le démontrer. Sur l'histoire d'André Boisclair, les journalistes ont agi avec beaucoup plus de discrétion puis beaucoup plus de respect pour la vie civile. C'est ce qui me gosse, moi, actuellement. C'est que là, que la ligne de poudre porte à gauche ou à droite, que la pipe de crack se fume à gauche ou à droite, les gens réagissent pas du tout de la même façon. Voilà, André Boisclair s'en est beaucoup mieux tiré. Il s'est même trouvé une job avec l'industrie pétrolière et ça, c'est juste parce qu'il est un furieux gauchiste. Ouais. Faut dire que les préjugés envers la droite sont tenaces. Même Stéphane Gendron tombe dans les généralisations. Quelle bande d'hypocrites, les gens de la droite, hein? Combien de gars de la droite au Congrès américain allaient dans les urinoirs aller se frotter le prépuce pour des petits gars ou des pages? Une opinion que rejoint Pierre Curzi, mais sans le prépuce, avec plus de circoncision, disons. Cet individualisme-là, là, ce qu'on appelle un esprit conservateur profond, ben c'est ça qui est le problème. Quand tu élis quelqu'un comme ça, il est sûr que ce comportement individuel peut être aussi déviant que l'est celui de M. Ford. Donc, la droite est déviante parce qu'elle ne pense qu'à elle. C'est une généralisation douteuse, mais heureusement, le co-animateur de Jeff Fillion est là pour intellectualiser la chose et clouer le bec à Pierre Curzi. Quelqu'un qui est socialiste, c'est une erreur lorsque ces choses-là arrivent. Oui. Quelqu'un qui est individualiste, donc de droite, c'est comme dans son schéma et dans ses valeurs. Il fait vraiment une catégorisation des gens. C'est raciste, ça, là. Ça, c'est du racisme. Hey, avec la maudite charte, là, il y a du racisme partout à cette heure. Donc, si on résume la semaine, Rob Ford est victime du biais raciste de la gauche extraterrestre. Et ça, aucune voyante n'aurait pu le savoir. Merci, Olivier. Eh bien, au lendemain du dévoilement du projet de loi sur la charte du PQ, c'est la débandade dans la belle province. Et notre ami Mahmoud de Reporters sans frontières, sans visière, pardon, est sur le terrain pour voir comment les gens réagissent au projet. On écoute. Il est 5h30 du matin. Après toute une nuit à marcher sur l'autoroute transcanadienne, la jeune Farouja Charmoudi arrive exténuée au nouveau camp de réfugiés de Chaville, un jet de pierre de l'espoir d'un avenir meilleur, l'Ontario. Dans des conditions insalubres, entassées comme des sardines, tous rêvent d'une vie à Toronto, où au moins le maire perpétue la longue tradition afghane de fumer la chicha en famille. Elle sait que là-bas, personne ne va l'obliger à danser des 7 carrés en chemise carottée et à manger des crottons devant des affiches de Michel Barrette. Tous ceux qui gardent un attachement à leur religion sont en train de fuir la belle province, tels les passagers du Titanic. Pour ceux qui restent, comme le petit Mohamed Finizoul, la vie est intenable. Le jeune vient de se casser une jambe en glissant sur un signe ostentatoire abandonné dont les rues sont jonchées. Il a attendu 45 heures à l'hôpital général juif où des employés noirs ne lui ont servi que du jambon. Le pauvre a été récupéré par les services sociaux qui l'obligent à regarder des vieux épisodes de Passe-Partout ou encore à préparer des grands-pères dans le sirop pour des résidences de personnes âgées où l'on meurt au son des disques de Marc Hervieux. Alors que le jour se lève sur l'horizon incertain d'un avenir en péril, je pense faire comme des centaines de nouveaux Québécois et changer de patronyme pour qu'enfin on m'accepte comme être humain. C'était Mahmoud Vautier pour Reporter sans visière. Il est bon, lui. Hein? Ah. On va trouver Jean-Sébastien Girard, qui lui est moins bon. Jean-Sébastien, bonsoir. Bonsoir. Dernier bloc avec Philippe Chinob. Bonjour. C'est le plusieurs courriels pour vous, Philippe. Le tout premier qui nous vient d'une Hélène Ayot de Rosemont, petite patrie, qui va comme suit perdre ses élections. Est-ce que c'est quand même plus agréable que d'animer C'est ça la vie? Hélène l'a fait pendant un an. Moi, je l'ai fait pendant 2 ans. Ça se ressemble beaucoup, je vous dis. On rencontre des gens dans les deux émissions, pas pour que de le perdre, mais de faire la campagne. On rencontre des gens que personne ne connaît, on prend le temps de leur parler. C'était déjà une approche très, très, très sympathique que j'avais avec ces gens-là. Très agréable de les rencontrer. Puis même, il y avait des gens que je rencontrais qui me disaient qu'ils m'étaient encore la première. Alors, un autre courriel qui nous vient de A. Boisclair et qui va comme suit. Hey Phil, entre toi et moi, tu dois le trouver sexy en taverne, François W. Crotteau. Au plaisir de le croiser à l'hôtel des Jeux. Et un dernier courriel qui nous vient d'une P. Marois et qui dit Schnob, ça vient d'où ce maudit nom d'importer là? C'est allemand. Le premier est arrivé en 1776. Et c'est déjà terminé, Philippe Schnob. Je vous remercierai jamais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on se retrouve la semaine prochaine devant le Rose Vive, la cafétéria. Merci, un gros merci à Philippe Schnob. Merci. Merci. Hey Fred, notre dernière chroniqueuse. Elle nous revient cette semaine avec un regard féministe et humoristique, deux concepts qui vont rarement ensemble. Voici la chronique de Léa Strelitzky. Ouais! Léa! Bonsoir! Bonsoir, messieurs! Hey! Donc, je fais plus ma chronique insolite. Non! C'est le moment où vous devez faire « Oh! » Mais je ferai dorénavant « Femmes et culture ». Ah! Ah! Ben, chaud d'humour, là, hein? « Femmes » parce que, ben, j'ai tous les attributs nécessaires pour le faire. Oh, c'est encore approuvé, ça. Ouais, allez-y. Je répondrai pas. Ouais. Et « culture » parce que, ben, la culture, je m'en trouverai en cours de route. Parfait! C'est ça qui est important. Ben, allez-y, hein, on a Donc, pas premièrement, de temps. Dans le fabuleux monde des femmes, ben, il y a Justin Trudeau cette semaine qui a lancé une invitation à un cocktail réservé uniquement aux dames. Mmh. Et sur l'invitation, il était écrit qu'il nous invitait à apprendre à le connaître, à apprendre à vraiment le connaître. Ouais. Et le vraiment était entre parenthèses. Alors, j'avoue que j'ai eu un petit peu envie d'y aller parce que je voulais savoir ce qui était caché dans ce vraiment entre parenthèses. Ouais. Tout comme j'imagine que chaque semaine, le public vient pour essayer de comprendre pourquoi dans La soirée est encore jeune, le encore est entre parenthèses. Ouais, ouais, je sais, hein? C'est un concept. C'est lié, hein? Peut-être lié. Oui, si vous le trouverez, en tout cas, vous me le direz. Ça fait un an et demi que je travaille ici, puis je ne le sais toujours pas. Donc, mais pour revenir à Justin, oui, oui, donc apprendre à vraiment le connaître, ben, ça pourrait vouloir dire apprendre à le connaître de fond en comble, mais pour ça, il faudrait avoir un fond. Oui. Donc, j'imagine que c'est pas ça, parce que ça ferait un cocktail de 2 minutes. Oui. Alors, tout ce qui nous reste, c'est comme une semi-allusion sexuelle, ouais, dans le fond, mesdames, ben, si je comprends bien. Ouais. La parenthèse, c'est quelque chose d'un peu mystérieux, ouais, un ouais, petit secret, c'est un peu caché. Ça me met pas très à l'aise, ça, Jean-Philippe. Non, ben, changer de sujet, c'est il tout. Il me vient des images de Justin qui fait comme un striptease dans un bachelorette, un peu, tu sais, avec son torse de blanc de poulet qu'on avait vu quand il s'était battu contre Brazo. Oui. Combat qu'il avait gagné, d'ailleurs. Ce qui, a posteriori, maintenant, est quand même quelque chose parce qu'on sait que Brazo a de l'expérience quand il vient de taper sur du monde. Oui, oui, oui, ben oui, hein? Tout à fait, oui. Bon. C'est sur cette blague de violence conjugale que je referme le fabuleux monde des femmes. Ouais. Et que je passe maintenant à la culture. Ben oui, puis ça, c'est important, la culture. Ben oui, savez. Alors, côté culture pop, oui, y a une vidéo qui a beaucoup circulé cette semaine. C'est la vidéo qui stipule que Michael Jackson ne serait pas mort, finalement. Je sais pas si vous avez vu ça. Ouais, ouais. Ce que j'ai trouvé touchant, parce que pour moi, c'est ce qui lui donne officiellement le titre de King. Mmh. Parce que t'es pas le King tant que t'es pas mort, puis il y a des fuckés qui disent que t'es encore vivant. Ouais. Bon, je salue bien. Elvis au passage, ouais, où qu'il soit. Par contre, j'avoue que ce qui est mélangeant dans le cas de Michael, c'est qu'il avait déjà l'air mort de son vivant. Ouais. Donc après, où est-ce que tu traces la ligne? La ligne, c'est ça qui est pas mal. Tu sais pas là. Donc d'après moi, bref, avec Michael, tout est possible. Ben, merci beaucoup, voilà, Léa. Ça me merci fait énormément. Hey, femme et culture, parlez-moi de ça. Ouais. C'est une drôle de façon de fermer une émission d'humour, mais c'est déjà terminé pour cette semaine. Restez à l'écoute dans quelques minutes, c'est la bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe, Marie-Hélène Racicot, Jean Gagnon, Mathieu Beauchamp, Steve Côté, Philippe Roberge et le grand Alex Courteau. Et un gros merci à nos invités de ce soir. Marc Laurendeau, on va acheter Les Cyniques, le rire de la Révolution tranquille. On lit ça à haute voix ou on achète les CD pour comprendre à quoi ça ressemblait pour vrai. C'est bien ça. C'est tout à fait ben ça. Merci. On peut faire karaoké aussi avec ça. réciter les monologues en gros. C'est une très, très bonne idée. Et évidemment, François Croteau, on se rejoint à la mairie de Montréal en 2017, si je ne me trompe pas. Excellent. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, avant de voter pour François Croteau, n'oubliez pas qu'il a déjà pris de la drogue et qu'il a 2 tatous. Réécoutez notre balado en vous rendant sur notre site web. Venez assister à l'émission. On fait ça les vendredis à 16h. La semaine prochaine, Vincent Vallière et Guy Nantel. Hey, là, là. Bon, merci. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Yeah!